Reçois-nous encore au nom de Jésus-Christ. Pour cette occasion nouvelle, nous te remercions. Où nous avons la liberté, la paix autour de nous, nous permettant de nous adresser à Dieu sans dérangement. Il n'y a pas de balles qui crépitent à côté. Il n'y a pas une forte grêle qui tombe sur les gens. Mais tout semble en paix autour de nous. Et cela vient de toi, Dieu. Dans ce même pays, il y a des endroits où l'insécurité bat son plein. Aux environs de Kouamout, là-bas dans les Bandundu. Des conflits interethniques. Et Bayaka en train de tuer les Bateki. Et d'autres évangiles, vice-versa. Comme dans une jungle. Où les sentiments de cruauté se développent et atteignent des fois le sommet. En Ituri, il y a l'insécurité. Au Nord Kivu, il y a une guerre d'Akaji. Nous sommes dans ce même pays. Vous allez vous Au Père, Tata. Quand tu nous donnes ce climat calme ici, nous ne pouvons pas être inconscients de la valeur que la paix représente pour nous. Nous ne pouvons pas devenir indifférents. Nous ne pas te remercier. Non pas que ce soit injuste, mais tu nous accordes une faveur. Alors que nos semblables seraient disposés aussi à venir devant toi comme nous. Mais ils doivent affronter ces situations avant de pouvoir se rassembler. Et parfois ils doivent le faire à distance car nous ne pouvons pas se réunir. Dieu de grâce, pour cet avantage que tu nous as donné, merci pour vous. Et ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et a promis de faire conclure toutes choses dans notre bien. Pendant que ce monde fonctionne, toi Dieu, tu existes et tu as tes lois. Un jour tout changera. Et nous recevrons un monde meilleur. Nous vivrons dans une terre nouvelle où la paix et la justice intégrales. Pendant que nous combattons pour cela, rend chacun de nous capable de vaincre. Et comme tu nous l'as dit hier, que nous fassions tout en vainqueur. Chacun de nous pour sa part, avoir la conscience de vainqueur et l'objectif du chrétien d'être vainqueur en toutes choses. Père Céleste, envoie ta parole ce soir, qu'elle édifie notre foi. Pardonne nos péchés. Amen. Lave-nous profondément dans le cœur. Que nous devenions meilleurs que ce que nous étions en Afrique. Car la parole lave et d'accord. Elle rempure les âmes. Conduis-nous et accomplir de nouvelles expériences pour que nous puissions t'adorer davantage et devenir meilleurs à tes yeux. Au nom de Jésus-Christ, prions et pour ta gloire. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans sa Sainte Bible ici. Jean chapitre 5. À partir du verset 25 jusqu'au verset 29. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Solo solo na jali kulo bana bino eti tango ekuya eh jali sasa epi wana bakufi bakuyoka mungongo na mwana na nzambe pe bayo bayoki bakozala na bomoi nzambe lokola tata ajali na bomoi kati na yemoko bongo asili kupesa epai na mwana eti ajala na bomoi kati na yemoko apesi mpeye bokonji mpona kusambisa eti ye ajali mwana na moto. Bokamwa na likambo oyo te, po ete ntango ekoya, wana nyonso bazali kati na nkunda bakoyoka mongongo na ye, mpe bakobima. Baoyo basalaki malamu kino lisekwa na bomoi. Baoyo basalaki yauli kino lisekwa na kosambisama. Philippiens chapitre 3. La Philippi, mon capo, Misato, versets 7 à 11. Mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ainsi, soko na jalaki na lipamba wana na tangi yango eloko pamba pona Kristo. Eh, na jali kopanga biloko yonso pamba pona likambo lileki malamu yango koyeba Kristo Yesu kolo na ngai. Pona ye nabungisi biloko yonso, mpe na jali kopanga yango bobele nyei ete nazwa Kristo lokola libonda. Mpo ete namona na kati na ye, nazala na boyengebene na ngai moko te oyo euti na mibeko, kasi yango euti na kondema na Kristo. Yango boyengebene euta na Nzambe mpona kondema. Nayeba ye mpe na nguya na kosekwa na ye mpe lisangana na pasi na ye ete nazwa lolenge moko na ye kati na kufa na ye, mpona elikya ete namona kino lisekwa kati na bakufi. Apocalypse chapitre 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Na esengo, pe bajali basantu, ufanami bale ezali na nguya na likolo na bango te, kasi bakozala banganga na Nzambe mpe na Kristo, bakozala bakonzi esika moko na ye mbula poto. Kadio benisse la lecture de sa sainte parole. Nzambe apambola butangi eloba na ye mosantu. Veuillez vous asseoir. Bokoki kovanda. Nous souhaitons à chaque âme, bienvenue à la table du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue devant Dieu. Bienvenue dans sa maison. Que la paix de Dieu inonde vos cœurs. Alors, ce soir, nous poursuivons notre pensée de méditation amorcée mercredi. Vivons pour la résurrection d'entre les morts. Cette fois-là, ce sera la deuxième partie de cette méditation de mercredi dernier. Vivons pour la résurrection d'entre les morts. Et Paul d'autrefois a donné l'exemple au sujet de la résurrection d'entre les morts. Et il a montré son expérience personnelle dans Philippiens chapitre 3, où nous avons lu. Mais nous avons également lu deux autres passages de la parole. L'un dans Jean chapitre 5, le verset 25 à 29. Et l'autre dans Apocalypse 20, le verset 6e. Alors, les deux passages encadrant. L'un était le premier qu'on a lu et l'autre était le dernier qu'on a lu. Alors, ces deux passages encadrent le passage central que nous avons lu dans Philippiens. Alors, vous allez constater que mercredi, quand nous avions lu, nous n'avions lu que le verset 25 de Jean chapitre 5. Mais ce soir, nous venons de prolonger du verset 25 jusqu'au verset 29. De Jean chapitre 5. Et on a ajouté encore Apocalypse 20, verset 6, ce soir, pas mercredi. Parce que la parole de Dieu est dans la continuité. Nous poursuivons la marche La méditation peut porter le même titre, mais à l'intérieur, il y a toujours des détails importants qui s'ajoutent. Enfin, que vous ne puissiez pas vous dire que nous sommes comme des visseurs en train de répéter la matière. La parole de Dieu est toujours nouvelle et bienfaisante. Il faut demeurer attentif à chaque son pour recevoir ce que Dieu donne. Alors, dans Jean chapitre 5, voyez, nous avions lu dimanche dernier le verset 25 au verset 27. C'était le même chapitre, mais le groupe de versets, lui, pour donner la prédication, diffère. Vous voyez un peu, c'est comme ceci. Voyez, dimanche, le dimanche, nous lisons Jean 5, le verset 25 à 27. Mercredi, nous avons lu Jean 5, parmi les passages, le verset 25. Et vendredi, nous lisons Jean chapitre 5, le verset 25 à 27. Donc, ah, désolé, oh là là. Merci beaucoup. Un lapsus, voilà. Je crois que pour celui qui a suivi les disciples de la parole, il peut remarquer tous ces mouvements. Chaque fois, Dieu a un message particulier à nous communiquer. Alors, ici, tout ça est inclus là-bas. Ça, c'est inclus ici. Alors, dimanche, je vous rappelle que nous avions parlé des 2 heures de la résurrection d'entre les morts. De la méditation, les 2 heures de la résurrection d'entre les morts. Les 2 heures prophétiques de la résurrection d'entre les morts. 2 heures. Et les 2 heures, on les a retrouvés dans le verset 25 même. On n'était même pas obligé d'aller loin là-bas. Déjà le verset 25. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Et nous avons expliqué les 2 heures en plus. Et nous avons montré par la grâce de Dieu que la première heure qui était déjà venue, mais qui est annoncée dans le verset 25 en deuxième position. Le Seigneur commence par dire, en vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient. Ce qu'il a placé avant là, c'est l'heure future qui n'est pas encore concrètement matérialisé. Depuis l'époque où il a parlé quand il était sur la terre, cette heure-là qui vient, nous continuons à l'attendre jusqu'à présent. Mais en commençant sa phrase, il dit, ainsi dit le Seigneur, mais comme il est le Seigneur lui-même, il dit, en vérité, je vous l'ai dit. Il ne pouvait pas dire ainsi dit le Seigneur, parce qu'il était le Seigneur lui-même. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit. C'est que je vous dis, parole du Seigneur, c'est la vérité absolue. Insuscitable. L'heure vient. Et jusqu'à présent, cette heure-là vient. Nous avons entendu mercredi que nous commençons à entrer quand même dans cette heure. Avant tout le décor prophétique qu'il y a autour de nous, particulièrement l'apparition du signe du Fils de l'homme là dans le ciel, l'apparition de la puissance ou la venue de la puissance de résurrection, laquelle a pu briser les sceaux, révéler les sceaux de la rédemption. Cet événement-là marque un tournant définitif. Il est tout droit vers l'heure prophétique. T'as attendu, l'heure par le Seigneur, l'heure qui vient, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. L'heure qui vient est en train de venir. Il est devenu très proche de nous. Mais l'heure qui était déjà venue, c'est là où on a vu que c'est celle qui concernait l'époque où Jésus-Christ passait son temps, son ministère, sur la terre. Et pendant cette heure-là, il y a eu Lazare qui était déjà entré, qui a entendu sa voix. Et nous avons vu les détails, comment le prophète le dimanche dernier, Lazare a répondu disant, mais voici. Et puis il est venu se pointer devant le Seigneur qui l'a mais il n'était pas le seul pendant les jours terrestres de Jésus. Quand Jésus a été mis sur le bois à la croix et qu'il a poussé un grand cri pour rangue son esprit. Alors, la terre a tremblé. Les rochers se fendirent. Les voies du temple furent déchirées de haut en bas. Et les sépulcres s'ouvrirent. Parce qu'il y a eu des anges promeneurs dans des cimetières. Pour aller fouiller les vieux ossements des morts. Mais la voix de Christ, le Créateur rendant l'esprit, a fendu l'univers à travers cet univers et l'a ramené à la vie pour ceux d'entre les morts qui étaient prévus pour cette heure-là qui était déjà venue. Et ils étaient sortis des sépulcres, ils ont été ressuscités. Donc c'est l'heure que le Seigneur a annoncé en deuxième position dans Jean 5. L'heure vient. Celle qui vient, nous continuons à l'attendre. Et il ajoute encore, et elle est déjà venue. L'heure qui est déjà venue, celle-là était celle dans laquelle Jésus vivait sur terre. Il n'était pas encore monté au ciel. Pendant ces jours terrestres, même quand il a été enseveli sous terre, et qu'il est ressuscité pendant 40 jours, pour apparaître pendant 40 jours, c'est cette heure-là. Il y a eu un groupe de morts qui ont entendu la voix du Fils de Dieu, et ils étaient effectivement revivifiés. Donc l'heure, la première heure est déjà passée. Bien qu'il était annoncé en deuxième position. La deuxième heure que le Seigneur a annoncé en première position, on continue à l'attendre. Elle vient bientôt, mais le décor est déjà planté. Et très planté pour qu'un jour ou l'autre, l'événement s'est produit. Maintenant, quand nous prolongeons dans Jean chapitre 5, allez jusqu'à dépasser le verset 27 et atteindre le verset 29. Vous trouvez qu'il y a une troisième heure qui est annoncée. Nous venons revenir là. Jean chapitre 5. Une autre heure, chaque chose en son temps. Chaque chose à l'heure prévue par Dieu. Sans confusion, sans mélange. Alors, le verset 25 dit ce que nous avons commenté tantôt encore. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient. C'est l'heure que nous continuons à attendre. C'est l'heure dans laquelle les morts en Christ vont ressusciter au moment de l'enlèvement. C'est l'heure de l'enlèvement. C'est l'heure pour laquelle le Seigneur nous a avertis, nous les chrétiens, qui nous préparons à ça. Veillez. Parce que vous ne connaissez pas l'heure à laquelle nous sommes. La même heure là pour laquelle il nous invite à la vigilance maximale. L'heure à laquelle le Fils de l'homme reviendra. C'est dans cette heure-là que les morts en Christ ressusciteront. Êtes-vous là? la même heure prophétique, et c'est l'heure qui vient ici au verset 25. Je vous mets parenthèse ici. Allons dans Matthieu chapitre 25. Parenthèse, vous gardez Jean chapitre 5. Matthieu 25. Le Seigneur dit ceci. Au verset 1er d'abord. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit, c'était une autre heure. L'heure de minuit. Là, on a crié, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est une autre heure. Mais au verset 1, il y avait une autre heure. L'heure du départ des divers. Commencèrent leur marche. Donc, il y avait divers, elles ont amorcé la marche à une heure bien précise. Mais maintenant, à une autre heure, c'était au milieu de la nuit, on a crié, voici l'époux, allez à Saint-Corps. L'heure du départ n'était pas égale à l'heure de minuit. L'heure de minuit n'était pas l'heure du départ des vierges. Chaque chose en son temps. Chaque événement à sa place. Pas mélange ni confusion. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Voyez, il y a une heure du départ. Et il y a une heure de minuit. Et maintenant au verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter. Pendant que les vierges folles sont allées acheter de l'huile, chez le vendeur d'huile, l'époux arriva. Ça, c'est une autre heure, l'heure de l'arrivée de l'époux. Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Donc le verset 10 mentionne l'heure de l'arrivée de l'époux. L'heure de la venue littérale de l'époux. L'heure là est différente de l'heure du départ de bien. Dans la prophétie, c'est une heure à part. Et cette heure là de l'arrivée de l'époux est différente de l'heure de minuit où le cri de minuit arrête encore. Alors l'heure de l'arrivée de l'époux se produit après l'heure de minuit. Et longtemps après l'heure du départ des vierges. Chacune des personnes est fixée par le Père Céleste. Mais sa propre autorité pour les différents événements. À tel événement, tel événement, tel événement, l'autre événement, l'autre prendra place. Nous devons respecter ça. Nous ne devons pas mélanger pour dire que c'est la même chose. Dieu n'a pas dit que c'est la même chose. Nous aussi mettons chaque chose à sa place. Donc il y a eu une heure à laquelle les vierges ont pris le départ. Et au cours de leur marche, à un moment, il y a eu une heure de minuit qui a sonné et où le cri de minuit arrêtant. Pour réveiller toutes les vierges. Béni soit le Seigneur. Et après cela, après le réveil des vierges, il y a une autre heure qui vient, c'est l'heure de l'arrivée de l'époux. Elle est décrite à part. Et après cela, au verset 11, il y a l'heure des retardataires qui, elle, survient après l'heure de la venue littérale de l'époux. Les retardataires surgissent encore, on les mentionne après ça. Il est dit au verset 11, plus tard, c'est-à-dire, après l'heure de l'arrivée de l'époux, les vierges folles ne se sont pas aperçues aussitôt que l'époux était déjà arrivé. Parce que quand l'époux arrive, il vient comme un voleur, c'est un secret absolu. Il y a quelque chose qui est prêt Et le folle vont continuer dans leurs recherches, leurs activités, leurs prières, leurs jeûnes et tout ça. Cherchant de l'huile, achetant de l'huile. Et quand ils vont s'apercevoir que le poids est déjà venu, ça ne sera que plus tard. L'enlèvement aura déjà eu lieu depuis longtemps. Alors ils vont se rendre compte que c'est déjà passé et qu'ils ont raté. Plus tard. Plus tard. Plus tard. Alors il est déjà venu. Ok. Ah, ils vont maintenant aller pour que vous y essayez leur chance cette fois-là. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Merci, ma base, c'est comme sous variété, valobiété. Colo, j'y peux la biseau. Pourquoi cette détermination? Parce que elle aussi s'est préparée pour la venue de l'époux. Pendant des années, elles ont travaillé pour être présentes devant l'époux arrivant. Pendant longtemps, ils ont tenu avec ça. Et maintenant, pour eux, rater cet événement, ça paraissait une injustice totale. Et ils ont eu le courage d'aller non seulement là, tout ce qu'on apprenait, des sacrifices constatés et tout, des préparatifs engagés, comment ils vont rater ça? Comment on peut nous dire que c'est, il était déjà venu à nous. Seigneur, ouvre-nous. Seigneur, ouvre-nous. Convaincu qu'ils obtiendront gain de cause. Persuadé que Dieu qui voit tout se souviendra de tous les sacrifices. Mais la réponse du Seigneur est solennelle. Ce qui arrivera à plusieurs qui pensent, qui espèrent participer à l'enlèvement, il leur répondit, c'était déjà trop tard, lui il respecte l'heure. Comme dit Abraham, Jésus respecte toujours ses heures. Les heures de ces rendez-vous, le Seigneur Jésus respecte strictement les heures. Pas qu'ils sont venus en retard, mais ils ne peuvent pas les redonner. C'est fini. C'est fini, ils ont raté. Ce n'était plus l'heure pour que les vierges entrent. L'heure l'a prévue pour que les vierges entrent dans la salle de l'autre. Et c'est déjà passé. Dieu étant un Dieu d'ordre, ne pouvait pas tolérer que cela. On est accordé une deuxième chance. Non, c'est fini. Vous avez raté, c'est fini. C'est fini. Inutile d'assister, comme on dit. Inutile d'assister. L'heure à laquelle il fallait entrer est déjà passée. Et la porte est même déjà fermée. Je fermais la porte. Maintenant, vous venez chercher quoi? Vous n'étiez pas là à l'heure. Vous n'étiez pas là à l'heure. C'est fini. C'est fini. Alors, si c'est un quinoa, il va gratter la tête. Il commence à appeler, trafic d'influence. Bon, maintenant c'est le Seigneur lui-même qui vous répond. Qui allez-vous appeler pour intervenir pour vous? Vous qui êtes habitué à tout négocier. Quelle autorité est supérieure à Jésus, à laquelle vous ferez recours, et qui pourra vous faire droit? C'est le Seigneur en personne qui se charge de vous répondre. Appelez alors vos gens. Appelez vos parents. L'on verra par quel chemin on aura cette solution. Le Seigneur leur dit ici. Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Bongo, vous tenez la campagne. Verset 12. Je ne vous connais pas. Dire ça à des gens qui ont marché pendant des années. Qui se sont investis pendant des années. À faire le bien. À jeûner. À faire des pays, à se priver de biens, à partager aux pauvres, à fréquenter l'église, à préparer les prédications et à partager les prédications, aller prêcher aux perdus et gagner les âmes à l'église. Pendant des années ils ont vu ça, ils ont donné les bons témoignages comme quoi Dieu était avec eux, ils ont opéré des miracles, il agissait littéralement. Tout ça, ça mettait là la mouvance dans la foule. On disait que Jésus est là nulle part ailleurs vraiment, mais à la fin Jésus répond en face: je ne vous connais pas, mettez-vous pas la place de ces gens. Toute la récréation à laquelle ils se sont livrés pendant des années, l'euphorie et les danses, les sacrifices de persévérance, les nuits blanches pour le Seigneur, et à la fin il a dit en face, question diplomatique, je ne vous connais pas, point barre. Bon, appelez les interventions. Elles viendront changer quoi? Ta décision est déjà tombée. Je ne vous connais pas. Vous voyez par là? C'est-à-dire que même s'ils insistaient, ils venaient voir dans la salle, ils ne trouveraient même pas une table prévue pour eux. Où ils ne pouvaient s'asseoir et participer à la fête. Toutes les places déjà où Il n'y aurait même pas un plat prévu pour eux. Même pas un serviteur disponible pour les servir. Les carottes étaient cuites. Voilà. Quand vous prenez votre temps et que vous vous dites Dieu me fera droit obligatoirement, faites attention, craignez Dieu. Il y a des surprises à la fin. Et comme a prêché Provenant, les surprises de jugement, les désillusions, ceux qui seront désappointés, ce ne sont pas les prostituées, les pêcheurs de ce monde, les contrebandiers d'alcool, les gangsters, ceux-là, quand ils entendront leur condamnation, ils comprendront que c'est logique, c'est normal. C'est comme à la croix, il y avait des brigands. L'un doit commencer à dire, non, nous avons mérité ce que nous faisons. Mais lui, il est crucifié pour... Il est juste, mais il a fait quoi? Pourquoi on veut le mettre ici ensemble avec nous? Et l'autre, à côté, à gauche, commence à insulter Jésus. Dis-moi toi, un parquet. Voilà maintenant. Dis son nom, pour ce qui est comme quoi. Quand tu parlais de Dieu, maintenant où est Dieu? Mais le pécheur à la droite, il dit non. Arrête de parler comme ça. Celui-là, il est innocent. Il n'a rien fait de ce que nous avons fait. Nous, ce sont nos crimes, nos actes. Ils nous ont payé comme ça. Mais lui n'a rien fait. Êtes-vous là? Que Dieu nous aide ici. Craignez Dieu. À la fin, les surprises viennent. Je sais que Prophète Anam dit, les désillusionnés, ce sont ceux qui pensaient être des chrétiens. Ceux-là qui pensaient être corrects. Ceux-là qui pensaient être des vrais enfants de Dieu. Mais aux yeux de Dieu, ne l'étaient pas. Ils se croyaient être serviteurs de Dieu. Mais Dieu ne les connaissait même pas. Quand leur rejet sera prononcé, imaginez le degré de désagrément. Quand on dit pleurs et grincements des dents, ils ont trop fait de tout ce qu'ils pouvaient faire. Maintenant que le Seigneur vient, le dernier mot, le rejette. Qu'est-ce qu'il a encore fait vraiment? Pour changer sa décision. Ils pleureront amèrement. Grinceront les dents. Alors pendant que tu en as l'occasion, craigne. Cherche à lui plaire du mieux que tu connais sa parole. Qualifie-toi pour être le meilleur. Qualifie-toi. Si c'est le cas, Même les vierges font le subir en telle sorte. Mais maintenant, parmi les élus, quand on dit l'épouse, vraiment. Hein? Il faut mourir, il faut lui répondre que c'est comme ça. Mais elle est élue. Parce que vous allez mon ami. Alors, inutile d'essayer. Ah ouais, là, ce sont les lâches. Et les lâches n'ont pas la place dans le royaume de Dieu. Ne sois pas un lâche. Fais tout en vain. On l'a dit hier, on le répète, c'est valable. Ne combat pas comme à l'aventure. Ne livre pas bataille comme battant de l'air. Fais tout en vainqueur. Pour gagner. Malgré tout ce qui est décrit ici. La foi dira, mon Dieu est capable de tenir promesse. Il y en a-t-il pour dire ça? Malgré toute cette réalité décrite à la mort, mon Dieu est capable de tenir promesse. Ayant la foi comme celle d'Abraham, croyant même là où l'espérance était interdite, espérant contre toute espérance, il crie à Dieu et cela le fait habiter à Dieu. Toi aussi, crois en Dieu. Crois à Dieu. Tu iras avec lui jusqu'au bout. Comme a dit Frère Branham, je voudrais l'aimer et l'aimer toujours. Même si à la fin de tout il me dirait, je te rejette, va-t'en à la perdition. Je lui répondrai, Seigneur, je t'aime et je t'aimerai même là dans la mer. Je ne regretterai rien. Je continuerai à t'aimer, même en enfer, tu m'enverras. Et lui, quand il verra l'amour, il saura qu'il est amour. Il ne saura pas se disloquer. Et il va permettre. Ayez ce genre de foi. Il ne faut pas être des croyants intellectuels. Ayez la foi spirituelle. Ayez la révélation comme Abraham. Ayez la révélation comme Abel. Ayez la révélation comme Jacob. Malgré vos faiblesses que vous connaissez, que la parole condamnera tout. Ayez la foi en ce Dieu-là. Il est capable de tenir promesse. Amen. Il a le pouvoir d'accomplir tout ce qu'il a promis. Amen, amen, amen. Que cela console ton cœur. Que cela t'encourage. Par la voix de Dieu. Alors, même si il a répondu, oui, il a répondu, ça c'est des vieilles folles. Ce n'est pas moi. Je sais que moi, le croyant, je vais dire. Il a répondu, je ne connais pas. Oui, ça c'est des vieilles folles. Ce n'est pas moi. Je ne combats pas pour eux, c'est des groupes de vieilles folles. Je ne me compte pas dans ma vie sur la deuxième session. Mais comme je suis en train d'être enseigné ici, je vis pour la résurrection d'entre les morts. C'est-à-dire, je me bats pour être qualifié dans la première session. Pour réussir au premier coup. Quand le pauvre est encore en train de chercher lui, là, car la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ils seraient gagnants du premier tour. C'est ça que nous disons, vivons pour la résurrection d'entre les morts. C'est pour que vous soyez les heureux gagnants, les heureux vainqueurs du premier tour. Dès que Jésus vient, j'aimerais partir déjà. Je ne veux pas être là là. Voilà, la police attend côté. Vous attendez d'abord. Vous allez traiter ceci. Revoir les cas ici. Je veux réussir au premier coup. La police longa l'emballe à Yambo. Au premier tour. Balaya Yambo. Et la main haute. par la grâce de Dieu. Heureux et saint. Et qui ont pas la première résurrection. La première résurrection. Allons-y. Maintenant, au verset 15, c'est là où on voulait dire. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Bongo, bokengelaka, poete, boyebi, mokolo, soko, tangoke. L'heure à laquelle l'époux va arriver. Bonga, katinango, mbela, libalako, ya? C'est de cette heure-là qu'il est question là-bas. Yangwana, manobili, yangwana, mbongawana, kuna. Dans Luc chapitre 12e. Luka, mokapo, yazume, mibale. Nous voyons cette interpellation revenir. Que Dieu nous aide vraiment. Par sa grâce, cette interpellation revient. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Il dit ceci. Au verset 43. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ici, faisant le travail pour lequel il est établi. Mais au verset 40, vous aussi tenez-vous prêts. Voilà. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il y a une heure où le Fils de l'homme viendra. Et c'est une heure à laquelle nous ne penserons pas. Et la résurrection de mort arrivera de la même manière. Vous voyez, je dis que l'heure qui vient, que le Seigneur avait annoncé, la deuxième heure du programme de Dieu, du programme de résurrection, cette heure est proche de nous. Mais je ne vous dis pas les jours, la minute exacte, la date calendrier. Parce qu'il nous l'a caché. Oui, bien sûr, bon, ben, c'est le grand dicoquet de nous laisser. Mais cette heure-là existe dans les programmes de Dieu. Même pendant que j'en parle ici, lui, Dieu là-haut, voit ça clairement. Ah, ça, ah, combien de jours nous en sommes séparés. Combien de minutes nous en sommes séparés. Très précisément. Mais nous le cachons. Parce qu'il veut seulement venir à l'heure où nous n'y penserons pas. L'essentiel, tenez-vous prêts. Ce qu'il vous faut, tenez-vous prêts. À tout instant. Je vous ai prêché ici il n'y a pas longtemps. Attendez l'enlèvement à tout moment. Vous vous rappelez? On a dit pas en 2022. En 2023, ça peut se produire à tout moment. Même la résurrection des morts en Christ. Tout à coup, quelque chose se passera et les morts résisteront. Tout à coup. Donc, vous ne savez pas exactement l'heure où ça va se passer. Mais cette heure existe dans les programmes de Dieu. Et les Saintes Écritures en parlent si clairement. Retournons alors dans Jean 5 où je vous avais dit de garder la page. Jean 5, verset 25. Il a dit, en vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient. Je vous ai dit, l'heure là qui vient, c'est la même heure à laquelle le Fils de l'homme arrivera. Vous connaissez selon le programme prophétique de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, verset 5. Car le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, pendant que lui descend, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça s'accomplit concomitamment. Lui descend du ciel et les morts ressuscitent. Donc l'heure de sa descente coïncide avec l'heure de la résurrection. Cette heure qui vient étant annoncée, l'on a attendu. Qui vivra, verra. Amen. Êtes-vous là? L'heure vient. Quand cette heure va venir, les morts vont ressusciter. Pas tous les morts. Il n'est pas dit tous les morts. Et c'est ici que j'attire l'attention. Au verset 28. Le Seigneur annonce une troisième heure. Qui n'est pas égal à la première heure annoncée. À la deuxième heure programmée. Mais c'est une autre heure qui viendra. Au verset 28. Ne vous étonnez pas de cela. Car l'heure vient. Attention. Encore une heure qui vient. Non pas celle du verset 25, mais celle du verset 25. Ne les mettez pas ensemble, ils sont ensemble. Tout s'appelle l'heure, mais ce n'est pas pour la même chose. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Et en sortiront. Voyez-vous que dans ce verset, il est question de tous. Tous, c'est la totalité de ceux qui sont dans les sépulcres. L'heure vient aussi. Pour eux. Et cette heure-là qui vient pour eux n'est pas la même heure qui vient pour l'église qui attend la première. La première section. Le résultat du premier tour. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Voyez frère, mais ils seront sacrificateurs pour Dieu et pour Christ. Et ceux-là qui ont part à la première résurrection, ils régneront avec lui, Christ, pendant quel privilège. Alors quand nous disons vivons pour la résurrection d'entre les morts, mais c'est la qualification qu'il nous faut au premier tour. Les écoliers du niveau secondaire ici dans notre système éducatif congolais, ils font les examens. Et puis après, on programme les examens de repêchage. Généralement, le repêchage, c'est pour la bana mayele mouke. Soit il est maladif, soit il est même trop maladif, il a raté les leçons, il a raté certaines interrogations, et les points sont débrouillés. Il n'a pas réussi à toutes les leçons. Il y a ici où le point, il faut vraiment négocier parfois, avoir un peu pitié, comprendre la situation. Mais la première session, ils apprennent à bana mayele. Dès que les examens viennent, ils travaillent. Dès qu'on est... Il est passé. Allez. Et une fois l'année prochaine, allez qui m'alamoko. Allez kuna, allez qui n'aille. On dirait y est allez kaka, sans, hein. Comme tout là. À quoi ça va venir de priorité, nous avons visité le professeur Intel, à mon akan ngaï, à mon papier ngaï. Il n'est pas dans ce genre de formule là. Il n'a même pas ce genre d'expérience. Donc, lui, quand on met les examens, c'est partout. Pam, pam, pam. Allez, on proclame, il a réussi. Il est passé. C'est comme on est dans les trains là-bas, les suivis. C'est chef de profession, lobby. Donc, il n'est pas dans ces histoires. Et à l'université, même chose. Hein. Là, on parle de première session et de deuxième session. Après, on va organiser une session spéciale. Donc, l'oncle qui payait les études était mort. Et puis lui-même est tombé malade de tuberculose. Il n'a pas pu participer à l'une des sessions ici. Alors le jury peut revoir un peu son cas. Et pendant lui, c'est temps lui, il est à la veille des prières. Sambe, vice professeur tel, naïbi kazakandoki, mais il osana pouvoir le colonaye. Et là, il attend, il appelle le résultat. Et quand le résultat doit être affiché, il doit même faire la prière. Comment on a eu, dès qu'il dit, hey! Quelle fête! Voilà, il a maudit nous. Mais c'est lui qui était passé du coup. Bon, il trouve ça normal. Il a bien travaillé. Quand on proclame qu'il a réussi, est-ce qu'il doit s'étonner? Dites-moi, est-ce qu'il doit s'étonner? Pourquoi moi? Hé, Nazrié! Oh! Mais c'est ce que tu as préparé? Et c'est à ça que tu t'attendais? Le cœur ne palpitait pas? Il n'y avait pas à faire de veiller de prière. N'est-ce pas? J'allais bongo. Voilà ce qu'il y a. Voilà où j'allais. Alors, quand vous vous préparez pour participer à la première résurrection, vous vivez pour ça. Et que le Seigneur vienne et il vous ressuscite, il change vos corps et vous amène, vous ne serez pas trop étonné. Vous saurez que c'est le fruit de votre travail. Et que Dieu n'a fait que justice pour votre travail. Il dit Amen. Tu ne t'y attendais même pas. La Bible ne dit pas que les gens seront surpris pour entrer. Quand le bout est arrivé, ceux qui étaient prêts à entrer. Mais ils vont s'étonner de quoi? Parce qu'ils étaient prêts. Vous aussi tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. C'est la parole qui vous dit d'être prêt. Mais ne me dis pas comment être prêt dans ma camarade, mais ça va compliquer pour que nous colobons après. Mais Dieu l'a dit. Il faut que quelqu'un y croie. Que quelqu'un se qualifie. Que quelqu'un réponde à ce critère la Bible. Dieu a dit, tenez-vous prêts. Et moi je me tiendrai prêt. Toi aussi tiens-toi prêt. C'est la parole qui ordonne, non pas une chose inexistante. Elle ordonne une chose réalisable. Comme dans le naturel, c'est possible. Êtes-vous là? Vous n'allez pas commencer à éviter les valves si vous êtes à l'université. Quand c'est le moment de programmer, commence à créer des missions. D'ailleurs, papa, si tu as un gars, côté à Bilangaboye, au lieu que tu aies un résultat, il y a un moment où tu trouves malade, où tu ne constates la mission, où tu as deux semaines. Où tu cherches à fuir, tu ne veux pas affronter l'affichage. Il avait ma dette, hein. Bon, je vais d'abord le voir un peu, je vais essayer de l'appeler. Mais entre temps, vous êtes à ma toi, il m'a dit que yo. Vous avez ce nouvel mot surprise, hein. Oh, comment est-ce que vous avez dit? Comme ça, de l'eau naturelle, le courage de venir maintenant affronter le bal. Et puis, venez-y, et tout. C'est affiché où? Non. Bon côté. Quand tu travailles correctement. Ça, vous allez ça, là, vous allez quand on travaille, même les écoliers, toujours à mes enfants, vous, si vous êtes témoin ici, vous allez même qui préparait les examens d'État, hein? Oh, qui affrontait l'université, il faut étudier avec des objectifs. Et il ne faut pas tanga les autres. Ayez des objectifs, vous voulez avoir quel résultat. Et vous travaillez en fonction de ça. Vous allez pour ça là, pour ça là. Et quand ces résultats viendront, vous ne serez pas surpris. Est-ce que tout le monde entend ça? Il faut avoir des objectifs que vous voulez atteindre. Ne vous mettez pas, il ne faut pas vous niveler trop bas. Hein? Vous mettez les niveaux. Et facile, vous allez dans la classe. Pourquoi vous allez dans la classe à 50%? Diplôme n'habilité, parce que c'est un redoute. On ne corrompt pas qui, il y a un autre qui. Un autre jury va dire, mais comment il est passé? Avec un seul bouffamé, et comment il est passé? Avec un seul. Tu vas aller mettre les relevés de côte et on va douter de tout, de ton dossier. Cherchez à être meilleur. Amen. Plusieurs cours dans un stade, un seul emploi. Courez de manière à l'emporter. S'il ne faut qu'un seul à la fin, soyez ce seul-là. Je ne vous entends pas ici, dit Amen. Réveille-toi du sommeil. Il ne faut pas prier, mais prier, prier. Ayez des objectifs. La la la tina, vous allez comprendre la polanini. Kolo akoya gaina kokini. Amen, amen. Tango akoya akufi kati na Kristo makosekwa. Sugingai kusale mete mama koye, ekosalishini akufi na kosekwa. Amen. Objectif. Tina ngwana. Et quand ça va s'accomplir, ce sera le résultat de ton travail. Car Dieu rendra chacun selon son œuvre. Il rendra chacun selon ses œuvres. Il y amène à la vérité. Amen. Donc, travaillez pour la vérité. Mais nous savons que sa grâce est souveraine. Maintenant, il dit ceci. Au verset 28. Ne vous étonnez pas de cela. Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Maintenant, quelqu'un peut se dire, hein? Il y a quoi? 3 heures ici? Une heure qui est déjà passée pour nous désespérer. Le temps où Jésus-Christ est. Ce n'est plus notre temps. Il dit, l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Moi, je me fixe ici. À cette heure qui est proche ici. Je vais déjà ressusciter ici. Que mon corps soit déjà changé ici. À cette étape ici maintenant. Êtes-vous là? Cette étape imminente. Quelqu'un d'autre peut être là avec nous. Et lui veut aller au verset 28. Ah. Mais là aussi on a dit l'heure qui vient, non? Ah, puis on va aller pour l'essentiel, c'est de ressusciter. L'essentiel. Quand tu cherches, tu te dis l'essentiel, bon, tu te diras, bon, Zambé et Moko Akata, soko ko bimisa na tour à Liboso, ton tour à Souka, Zambé et Moko Akata. Et pourtant, toi, tu dois te préparer. Tu dois prendre la décision. Tu dois faire le bon choix. Moi, qui te prêche, je choisis l'heure qui vient. Au verset 25. De sorte que, quand l'heure qui vient au verset 28 sera là, moi, j'ai été déjà ressuscité depuis des années, plus de milliers. Mais que je vais me présenter là-bas, non pas comme quelqu'un qui attend aussi que mon sort soit fixé, que mon sort soit déterminé. Quand cette heure ici, de verset 28 va s'accomplir, que ce soit parmi ceux qui vont juger, ceux qui viendront, ressusciteront à cette époque. Donc, c'est comme pour le dernier tour. Donc, on va voir, c'est quoi? Vous dites amen? Amen. Vous dites amen? Amen. C'est quoi qui? Dans le premier tour. Vous voyez, entre nous, tu vas choisir quoi? Ce qui met Dieu aux awa, au sécurité, qui gagne la sécurité, pour le jugement à trône blanc. Et il y a ce qu'on dit, bébé sécurité, n'a pas de sécurité. Avant qu'il n'y ait pas de sécurité, il y a un gagne, il y a un gagne, il y a un gagne, il y a un gagne, tout ça, il y a un gagne. Imaginez ça. Mais il était un homme comme moi. On était dans la même église. Lui n'a pas la qualité, mais il a la qualité. Tu vas rougir, tu vas te complexer, ça ne produira aucun effet. Êtes-vous là? C'est ça? Yo, kasi tete, libanda kuna kaka kindumba muyibi, via mabe kufingi teglise, na kufingi se musala zambi. Tuko njuru wa jishman, gane yoko leo mawa, koko za lola. He? Ngayi siko na yoko leo mawa, na koti sayo, umoni singa pasi ya wa, koto kote suna eternite, ozonge la, umoni siniso su pasi. Tuko mese nise o mabete. To pesa kiyo okasyon, o sakana ginango. Deuxième tour, 5 ans, condamné! Voilà, le coin, frère David. Condamné, il katani. Et c'est l'ouvami, et quoi, qui dit amen. Même chose avec toi, frère. Tu vas juger. Sur ton trône. Voilà, Allez, à la barre. À la barre. Frère Jean, frère Tigane, est-ce qu'il y a un côté ou non, tu vas me dire, c'est comme quoi. Et tout ça, ma veille de prière, tout le monde a passé la malilité. Ah, vous avez dit, ça m'a dit, na lola kuna, deuxième tour, tout quoi, Jésus. Jamais. Condamné. Pourquoi ça m'a dit? Ah oui. Que Dieu soit miséricordieux. À cause de ça, choisissons le premier tour. Choisissons la première résurrection. Je me bats pour ça. Je combats pour ça. Par sa grâce, je vaincrai. Amen. Amen. Amen. Amen. Frère. Ego. Bande kumbali kukukani. Mutoko sabi se moninga zate. Na binu nui bali wane. Mutoko sabi se moninga ako zarate. Binu nde moko sabi se basus. Hein? Dieu vous mettra à égalité. Bande ya kuchabi na na musanda kukukana. Elengie ko participe na première résurrection. Hein? N'est-ce pas elengie? De participer à la première résurrection. Heureux et saint ceux-là. La Bible déclare heureux et ils sont saints. Éternellement saints. Qui s'est été dans Bango, au coco de la mort sous doute, à ta mouton tout dit, mais ils sont saints reconnaissants. Et les saints jugeront le monde. Les saints jugeront la terre. 1 Corinthiens 6, cela est dit. 1 Corinthiens 6, l'écriture dit ceci. Disons en passant. Au verset 3. Non, verset 2 et 3. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Les saints. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre de moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand il y a un péché, tranchez. Et quand c'est le péché? Quand il y a une furie et mal, ôtez ça de votre vie. Quand il y a une justice entre les frères, soyez au milieu, tranchez de votre vie. Et les positions pour la parole et non pour votre âme. Les affaires de la vie, nous devons déjà juger. Kindumba, il faut kotika. Zamba lobi, fuyez l'impédicité. Et puis, vous allez voir, vous allez voir, frère, vous êtes membre de l'église, vous avez souviens-toi, hein, ce que vous avez dit. Singola 3, nous allons entrer dans notre parcelle là-bas. Souviens-toi, on m'a dit, papa, c'est mon athée, c'est mon église, wana. Ce que vous avez dit, l'ifelo. Vous avez dit, ma contribution, n'a pas? Vous avez dit, ma contribution, ça n'aura pas d'effet. Au raté. Il est temps de se qualifier auprès du Seigneur lui-même. Chacun de nous peut-il entendre la vérité? Traite avec Dieu en direct. Regardez dans Apocalypse 20. Comment la parole s'enchaîne. Verset 11. À 13. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fit plus trouver de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Tout ce que vous faites dans votre vie est écrit dans votre livre de vie. Bien et mal, tout est écrit là. Sachez-le. La repentance permet d'effacer les pages noires. Quand tu te répands et que le sang de Jésus agit, il efface pour le mal qui était déjà rapporté dedans. Il efface pour ne laisser que le mal. Gardez votre livre propre. En vous répandant chaque jour. Amen. N'ayez pas honte d'un frère, d'une soeur, allez les voir, demandez pardon. Il a pour effet d'effacer le mal commis dans le livre de votre vie. Et quand le juge lira le livre de votre vie, ces jours-là, vous devez passer par là, il ne va y lire que le bien. Tout le mal effacé. Ma bénin, ce il va qu'il lire les biens, à la fin la sentence est connue. Acquitté. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Namo fendi na yango. Mokini na likolo, ikimaki, elongi na ye, pe izemaki te. Namona kipe bakushu, menene na mite. Batelemi aliboso na kiti na bopondi. Pe buku ifungamaki, pe buku mosusu ifungolami. Koyo buku na bomwe. Bakushu, basambisami, na makambo, masali, masili komonana na buku yango. Namo tindo na misala na bango. Mai monene ezandiki bakufi na kati na yango. Kufa na uwelo ezandiki bakufi na kati na yango. Basambisami moto na motindo na misala na ye. Motindo na misala na ye. Amen. Chacun sera jugé selon son œuvre. Là, selon cette œuvre, au jugement final. Et à ce jugement-là, les trônes que Jean avait vu ici seront placés. Nous jugerons le monde. Nous jugerons les anges. Et vous êtes incapables de juger les démons maintenant. Un démon vient pour se jouer de ta vie spirituelle. Tu le laisses faire. Tu ne prononces aucun jugement, les condamnant, les chassant. Tu te laisses faire comme un mou. Et tu penses que Dieu va te qualifier comme ça pour que tu juges les anges demain? Tu es un passeur des démons? Un aéroport des démons où ils viennent te réveiller? Cher ami, ça ne marchera pas! Comprenons-nous. Donc, il y a une heure qui vient, la résurrection finale. Et n'aura lieu qu'après le règne de 1000 ans. Après le millénium. C'est par là qu'il y a ça. Mais tandis que l'heure qui est annoncée au verset 25, l'heure qui vient, que moi j'ai choisi, que je vous ai choisi, elle a lieu de ce côté-ci longtemps avant le millénaire. Quand Christ vient, les morts ressuscitent. Mais pas tous, mais quelques-uns qui auront trouvé grâce d'être de ce nombre-là. Êtes-vous là? J'aimerais lire dans l'exposé de cette après-midi Frère Branham ici, à la page 277, donc à partir du premier alinéa déjà, exposé des étages de l'Église, donc le chapitre qui concerne l'âge de l'Église des saints. Maintenant, nous nous trouvons devant la question de savoir pourquoi il recevrait la vie éternelle lors du jugement. Ouais, comme on peut revenir ici, dans Daniel chapitre 12, pour peut-être comprendre ce que comment dit le frère Branham. Daniel chapitre 12, il est dit ceci, au verset 2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Et mingi na baoyo balali na kati na putuona na mokili. Bakolonga. Bamosusu epai na bomoi na lubiko. Na lubiko. Bamosusu epai na kwenye. Na pochola ma na lubiko na lubiko. La grande majorité des morts. Mingi na bakufi. Restera là-dedans. Ils se réveilleront après le règne des mille ans. Donc c'est pas que quand la résurrection générale aura lieu, c'était là les seuls morts qu'il y avait sous terre. Dans la mort, ce sera la grande majorité qui ne sera pas comptée dans la première résurrection. Mais il est dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Et en parlant de ces plusieurs, je dis majorité, la majorité des morts. C'est comme quand la première résurrection a lieu ici dans Apocalypse 20. Il est ajouté au verset 5 ici. Apocalypse 20, verset 5. Les autres morts, donc ceux qui ne font pas partie de la première résurrection, ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. Et c'est la première résurrection. Il y a une résurrection d'entre les morts. Donc des morts qui sortent et d'autres morts qui restent. Quelques morts qui sortent. Alors les autres morts là, qui vont rester dans le tombeau, constitueront la majorité des morts. Mais ceux qui participent à la première résurrection sont un groupe réduit. Voyez, alors, la parole de Dieu est assez claire à ce sujet-là. Et quand cette dernière résurrection aura lieu, et que nous revenons ici dans Jean chapitre 5, supportons la gymnastique, Jean 5, verset 28-29, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Après la résurrection générale, verset 29, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc au jugement final là, quand tous les morts, ceux qui seront restés dans les tombes, entendront la même voix du Christ. Au dernier tour, ils sortiront des tombes. La mort rendra les morts qui en elles. Le séjour des morts rendra les morts. La mer rendra les morts qui avaient. La forêt, la terre, tous les morts sortiront. Maintenant, les uns ressusciteront pour la vie éternelle. Et les autres pour le jugement veut dire la condamnation. La confirmation de leur condamnation définitive. Et pour l'éternité. Leur cas, on ne pourra plus les revoir. Maintenant la question, dans l'exposé où j'ai commencé à lire. Maintenant, nous nous trouvons devant la question de savoir pourquoi il recevait la vie éternelle lors du jugement. Alors que les épîtres semblent bien préciser que l'on doit posséder l'Esprit de Christ ou périr. Quoi qu'il en semble, on ne peut pas refuser de croire aux paroles de Jésus. Il précise bien que parmi ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, il y en a qui recevront la vie éternelle avant et d'autres après la résurrection générale. La résurrection générale, c'est celle du dernier tour, des Jean 5, verset 28. La résurrection générale. Des Jean 5, verset 28. L'heure qui vient là, après le règne des mille ans. Alors, c'est cela. Pourquoi alors ils doivent recevoir la vie à ce moment-là? C'est Jésus qui a précisé comme ça. Alors, Paul ne lit pas cette vérité, car il dit clairement dans Philippiens 3, verset 11, et c'est le chapitre central que nous avons lu aujourd'hui, il était encadré par Jean 5, d'un côté, et Jean 5, d'un côté, et Jean 5, d'un côté, Philippiens 3. Paul dit clairement dans Philippiens 3, verset 11, pour parvenir si je puis à la résurrection d'entre les morts. Écoutez ce commentaire. Cette phrase est très curieuse. Et chacun de nous sait que nous aurons tous part à une résurrection. Que cela nous plaise ou non. La résurrection générale aura lieu après le règne des mille ans. Comme on l'a dit, cela veut dire que tous les morts qui sont morts reviendront à la vie. Maintenant, est-ce que Paul, en parlant de la manière dont il a parlé, est-ce qu'il se mettait en tête de dire que une fois mort, il ne pourrait pas revivre? À aucune occasion, à aucun moment. Loin de là. Sa phrase est clairement formulée. Pour parvenir si je puis, il ne dit pas à la résurrection des morts. Non pas à la résurrection des morts. Parce que la résurrection des morts aura effectivement lieu. Tous les morts qui sont morts ressusciteront. Je dis bien tous. Jésus a dit tous. Dans Jean 5, 28. Tous les morts. Attendre sa voix un jour et ressusciter. Tôt ou tard. Quelle est la pensée de Paul quand il dit, pour parvenir si je puis, à la résurrection d'entre les morts? Non pas à la résurrection des morts, mais à la résurrection d'entre les morts. Quand quelqu'un des morts ressusciteront, avant les autres, avant le plus grand nombre, quand la minorité ressuscitera, je voudrais être de ce nombre. Lui combattait pour ça, il vivait pour ça. Nous aussi combattons pour ça et vivons pour ça. Peut-on relire Philippiens 3? Et la parole soit rendue claire pour chacun. Oh, c'est merveilleux. Verset 10 et 11. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, voilà, je me bats, pour y parvenir, si je puis, si je peux, si je le peux, je ne veux pas rater cette promesse, je ne veux pas attendre le dernier jour. Et là, on me dit, finalement, oh non, ton gars, tu sais quoi, mais toi, c'est un secondaire. Il faut passer déjà au premier tour. Quand vous vendez appel, il y a les bosso, déjà, combien de la bimi, la quai déjà. La bimi, la quai, c'est mon certitude, n'a pas questionnement. Paul se battait, il comprenait l'importance. Pour parvenir. Mais en devenant conforme à lui Christ, par sa mort, comme on l'a vu. Nous devons être identifiés à lui dans sa mort. Quand nous recevons le baptême d'eau au nom de Jésus. Ça doit être ça. Mais il y a beaucoup de mascarades et de tromperies. Comme les frères Branham dans l'adoption. Ceux qui sont morts en eux-mêmes. Ce sont ceux-là qui sont censés être ensevelis dans les eaux de baptême. Mais il nous arrive, nos prédicateurs, trop souvent, d'ensevelir des gens qui sont vivants. Ils ne sont jamais morts. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à faire correctement le triage. Les gens prennent les airs, les apparences, les mémés et tout ça. Et puis vous les prenez pour baptiser. Vous baptisez. Mais c'est Dieu qui fait le triage final. C'est pour cette raison que nous reprenons le baptême de plusieurs aussi. Mais si quelqu'un maintenant se rend compte qu'il avait tout mal fait, vous allez lui dire quoi? Oh, c'est ce baptême ici. Oh non. C'est bon, okay. Nous recherchons ce qui est agréable à Dieu. Et c'est une recommandation de l'évangile. Vous recherchons ce qui est agréable à Dieu. Et nous examinons ce qui est agréable à Dieu. Nous ne devons pas lui donner des sacrifices imparfaits. Donnons-lui le meilleur que nous pouvons pendant que l'occasion est entre nos mains. Le triage, c'est lui qui fait. Dieu le fait mieux que nous, les prédicateurs. Que nous, les frères Branham. Nous, les prédicateurs, nous ne faisons pas le meilleur triage. Et nous trions quand même, hein. Mais malgré ça, c'est pas infaillible. C'est pas infaillible. Il faut le reconnaître. La parole le dit. Êtes-vous là? C'est vrai. Cette phrase est très curieuse. Quand Paul dit, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Cette phrase est très curieuse. Chacun de nous sait que nous aurons tous part à une résurrection. Mais que cela nous plaise ou non. Tous ressusciteront. Est-ce que tout le monde le sait comme ça? Ils ressusciteront tous un jour. Tous. Pour être jugés. Ainsi, Paul ne pouvait guère dire parvenir si je puis à une résurrection des morts. C'est pas ce qu'il a dit. En réalité, ce n'est pas cela qu'il dit. Le sens littéral de ce qu'il dit, c'est parvenir, si je puis, à la pré-résurrection. À la pré-résurrection d'entre les morts. Il ne s'agit pas ici de parvenir à la résurrection générale. Qu'on fasse une prière ou pas, vous allez y être quand vous serez morts, tous les morts ressusciteront. Même ceux qui n'auront pas prié pour ressusciter. Quant à la résurrection générale, les derniers tours de Jean 5:28, tous les morts entendront sa voix et sortiront de sépulcre. Jésus a dit, ça ne faillira pas. Il ne faut pas de prière spéciale pour ça. Conditionnement particulier. C'est déjà prévu et ça s'accomplira à l'heure indiquée par Dieu. Il a dit qu'il ne revient. C'est une heure que lui connaît qu'il a passé. Avant cette heure, il n'y aura rien. Après cette heure-là, cette résurrection sera déjà passée. Chaque chose en son temps. On a marqué cette résurrection-là générale aura lieu. Et là, il est dans les programmes de Dieu. Nous ne pouvons pas la forcer avant. On n'a pas besoin de prier pour ça. Êtes-vous là? C'est déjà prévu, c'est son programme. Dieu accomplira son programme sur terre. Alors, les soucis de Paul Ça ne peut pas nous parvenir à la résurrection des morts. Il ne s'agit pas ici de parvenir à la résurrection générale. La seconde résurrection. Mais de parvenir à la première résurrection. Or, dans les évangiles, il n'a pas clairement appelé sa première résurrection. C'est dans l'Apocalypse qui a été écrit après la mort de Paul. C'est l'indication claire. Première résurrection apparaît. Mais dans les évangiles du Seigneur, il a annoncé ça en général comme ça. Il a annoncé l'heure qui vient. Il a annoncé l'heure qui vient. Il a encore une heure qui vient. C'est comme ça que Jésus a parlé. Et dans les épîtres de Paul, la mention première résurrection n'existe pas. Mais après la mort de Paul, Jean qui était le dernier des apôtres de Simon, en 96, Dieu lui a révélé l'Apocalypse. Et c'est là-dedans que la révélation précise et l'appellation spéciale première résurrection apparaît. Mais quand Paul était vivant, il a parlé de la résurrection d'entre les morts. Donc, il avait quand même une inspiration. Dans la qualification précise de l'événement, tel que le Seigneur l'a donné à Jean, la clarté de la chose ne lui était pas tout dévoilé, mais Paul en lui-même, il était le messager du premier âge, il avait une matière ayant créé. Il ne voulait pas être dans les poules communes. Il a voulu être une sélection de Dieu. Gloire à Dieu. Si je me bats, je combat pour parvenir, si je le peux, à la résurrection d'entre les morts. Ce que lui a appelé résurrection d'entre les morts, c'est ce que l'ange révèle à Jean première résurrection. Et cela est conforme au langage de Jésus dans Jean 5, verset 5. Il n'a pas dit tous les morts, mais il a dit ceux qui sont morts, entendront la voix de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu, ceux d'entre les morts qui l'auront entendu, ils l'auront. Pas tous les morts, mais ceux d'entre les morts qui entendront, à ce moment-là. Écoutez, quand Lazare a entendu sa voix, toi aussi tu l'as entendu. Pour commencer, tu n'étais même pas encore né. Quand cette heure-là est passée, toi tu n'étais même pas encore né. Ça ne me concernait pas. Et quand les saints de l'Ancien Testament ont entendu sa voix, dans l'heure-là qui est passée, à l'époque où Jésus était sur terre, toi aussi tu l'avais entendu. Tu n'étais même pas encore né. Nous même pas encore nommés sur terre. Nous n'avons pas encore reçu un nom sur terre. Vous voyez, frère? Mais il y a une heure qui vient. Pour celle-là, tu peux faire le choix. Tu peux prendre la bonne décision pour influencer ton futur, influencer ton éternité. Tu peux décider ici à l'église. Décider ici à l'église. Décider ici dans la présence où tu es. Tu peux le faire maintenant. Pour la faire en son temps. Pour aussi faire en son temps. Il n'a pas voulu être dans la cour finale. Il s'est battu pour être qualifié dès le premier tour. Wana mwana mayele ya bonzambe. Tolobi amen. Amen. Mwana mayele ya bonzambe. Globalité essentielle est agostée quoi. Est-ce que vous avez un spécial quand tous les morts vont ressusciter? Ce ne sera pas spécial. Ça va arriver à tout le monde. Mais ce sera spécial quand quelques-uns ressusciteront et d'autres resteront. Regardez même dans les systèmes des gens du monde ici. Vous une première session, vous avez organisé collation avec honneur. Et maintenant, votre deuxième session, On n'organise pas une deuxième collation. Bah, peut-être que maintenant avec la corruption, ça, c'est possible que ça, on perde les noms, on perde les valeurs, hein. Bah, bon, qui ça, encourageons-les. Deuxième session. Allez, bah, c'est sous collation. Si tu vois ça, bazolo kambongo. En termes de valeurs, on prime, on célèbre, c'est la première session. Pour encourager tout le monde à se qualifier au premier. Quand on construit une société de meilleurs, on ne va pas donner les mêmes privilèges à tout le monde. On encourage les meilleurs spécialement. Bon, on ne dit pas que ceux qui ont réussi au deuxième tour ne nous parlent ici. Ils ont quand même aussi réussi. Voilà ce qu'il y a. Mais là, la société de corruption, dans les universités corrompues et tout, allez, on va programmer deux fois la collation. Et le monsieur va mettre les lunettes un peu plus grosses que les miennes ici. Il faut encourager Bango. Azul René Mbongo. C'est tout. Ok, c'est pour ça qu'il y a une grande célébration après la première résurrection, le festin des noces. Un moment de joie. Maintenant, après la résurrection générale de Jean 5:28, est-ce qu'il y a, quel est l'événement? Les uns auront la vie éternelle, les autres, pour ceux qui participent à la première résurrection, la Bible les déclare heureux et saints. Et heureux ceux qui sont invités au festin de l'homme. Une grande célébration au ciel. Pas jugement téméraire qu'on les a. Sur les couronnes que le Seigneur va distribuer. Vous voyez, les couronnes aux vainqueurs. Couronne de justice. Couronne de vie. Couronne de gloire. Il y a différentes couronnes dans la Bible, couronne de justice. Couronne de gloire. Couronne de vie. Alors, allez, je donne ça. Il faut vous qualifier au premier tour. Même les anges participeront à cette célébration. Mais quand tu attends le dernier tour, les anges, tu viens de couper le gosseau au oh, comme on a palpite. On sait qu'on après nos secondes de mort, on a balayé ici. Azor, ils sont dans l'Iwa. On sait quoi, on s'amuse, après, secondes de mort. Zor, dans l'Iwa. Peine perdue. Toi, tu veux finir comme ça? Vous voyez, quand Dieu nous envoie un message, le message de l'heure, nous avons intérêt à nous qualifier vraiment. Pour éviter ce genre de désagrément. On a coquima, comme ça m'a pas changé. On peut se faire, la Bible quand même dans l'Irita. D'ailleurs, il y a quoi dans l'autre? Ça veut dire qu'il y a des années, des siècles. Mais voilà. Vous allez se montrer en Mugusé. Quand le jugement part de là-bas, à la fin, seconde mort, condamné. Et cette fois-là, plus d'espérance. Voilà, on est liquide et tout sauté. C'est quoi vous allez sauter ici? Seconde mort. Vous serez jeté dans le même sort que les temps de feu. Qualifions. Choisissons le meilleur. D'être le meilleur. Il ne s'agit pas ici de parvenir à la résurrection générale. La seconde résurrection. Mais de parvenir à la première résurrection. de laquelle il est dit, heureux et saint, ceux qui ont par la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. La première résurrection n'a rien à voir avec la seconde mort. Il a lieu à la fin de 1000 ans. Bon, qu'est-ce qu'il dit ici? Quand tout le reste des morts reviennent à la vie, donc la seconde mort, pas la première résurrection, là il y a la fin des 1000 ans. Et en ces jours-là, certains entreront dans la vie éternelle, et d'autres seront emportés dans la seconde mort. Donc, nous n'avons pas besoin de faire des suppositions. Vous voyez ça? Au sujet de ceux qui recevront, qui la recevront, qui recevront la vie. Parce qu'ils ont été bons envers les frères. Ceux qui ressusciteront pour être jetés dans les temps de feu, les seront parce qu'ils auront maltraité les frères. Ne maltraitez pas les frères de Jésus. Hein? Vous devez être bon envers les frères de Jésus. Puisque c'est la parole de Dieu, nous l'acceptons simplement. Il n'y a pas lieu de discuter. Nous ne faisons qu'énoncer les faits. Cher ami, notre temps est fini. Il y a encore la matière. Je ne peux pas prolonger. Je voudrais respecter un peu le temps. Bien que j'ai débordé un peu. Mais il ne faut pas que ça aille trop long encore. Quand nous, je viens avec une telle prière, il arrive d'être emporté dans la prédication. Pour le peu qui a été entendu, je vous prie de faire le bon choix. Choisissez d'être qualifié au premier tour de la résurrection. Battons-nous pour figurer là-dedans. Comme dit Frère Branham, si vous êtes né de nouveau, dans l'Esprit de Dieu, alors vous le connaissez dans sa puissance de résurrection. Hein? Faudrait que vous naissiez de nouveau. Ce changement intérieur soit effectif. Comme on l'a dit mercredi, que ce changement intérieur soit quotidien. Par la même puissance de résurrection, qui permettra que tu entendes la voix du Fils de Dieu au moment du retour de Christ. Pour figurer parmi ceux qui ressuscitent d'entre les morts. Hors des dieux, est-elle loin si grand, quelle langue plume ne peuvent les dire. Il va plus loin que la plus haute étoile et la terre. Plus bas enfer, au coupable. Sur les fardeaux, chantons de donner son fils. Pour vain. Un cruel réconcilia, son fils errant, lui pardonna son péché, la mort des dieux, combien riche put, il est sans mesure, et fort, qui demeurera éternellement le chant des saints et des anges. L'amour, à l'amour des dieux, combien riche put, il est sans mesure. Et pour amen, il demeurera éternellement les chants de saints des sons. Quand le temporel va disparaître, que nous voyons Père ce temps où et quand les hommes qui restent se prient invoqueront ces rocs et montagnes la mort divine. Il est sommage et pour la grâce d'assez d'empêche pour la rata dans les champs des saints. Des anges, la mort, à la mort des dieux, combien riche et pur, il est sans mesure, et fort, il demeurera éternellement, les chants des saints, des anges, la mort, à la mort des dieux, combien riche et pur, il est sans mesure, et fort, il demeurera éternellement, le chant des saints, des anges. Prions chacun. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous t'exprimons notre reconnaissance pour la lumière de ta parole. Elle est clairement écrite. Elle est spirituellement révélée. Ce n'est pas tous qui comprennent. Mais c'est à qui tu fais grâce. Paul, en son temps, pouvait saisir une inspiration. Et sa bataille spirituelle, le combat de sa foi, était le bon combat. Il s'est battu pour être qualifié dans la résurrection d'entre les morts. Être vainqueur dès le premier coup. Ceci nous inspire, nous aussi. Que voulons vivre pour la résurrection d'entre les morts. Autrement dit, vivre pour la première résurrection. Combattre pour passer par la première résurrection. Fais grâce à mon frère, à ma soeur, qui entend ces choses, de ne pas négliger. De savoir que c'est rue de la bataille, mais la victoire est sûre. Ceux qui ont la foi, une foi perspicace, comme la foi d'Abraham, espérer en Dieu contre toute espérance. Même là où il serait interdit de espérer, espérer et aimer Dieu. Donne à chacun une telle foi pour que chacun soit béni comme Abraham le croyant. Que cela nous soit imputé à juste. Et que nous soyons présents à la grande célébration de la première résurrection de l'épouse qui sera enlevée. Le festin de nos célèbres. Oh Dieu, fais grâce à mes frères. Fais-nous grâce au nom de Jésus-Christ. Apporte-nous des secours qu'il faut. Donne-nous tout ce qui nous manque, Seigneur. Pour que nous soyons qualifiés. Que nous puissions y parvenir. Dès le premier tour. Non, dès la première session. Non, amen. Amen. Quelle est notre prière, notre désir. Nous voulons y parvenir. Ton prophète l'a dit hier. Cela est le désir de chaque cœur. Laisse que ceci pénètre encore. Que nous puissions y creuser encore. Ça devient le désir de chaque cœur. Que partout. nous ne puissions pas nous distraire ni négliger quoi que ce soit des dieux, et que nous sachions qu'il y a une bataille à il y a une première résurrection à laquelle il faut participer, et à cette occasion les corps seront transmis, les corps des vivants, une occasion unique au Père qui sera donné à l'humanité de voir les prémices de créatures de Dieu atteindre ce niveau. La nature attend cela. Les arbres attendent cela. Les animaux attendent cela. Les oiseaux du ciel attendent cela. Les animaux aquatiques attendent cela. C'est un moment solennel. Fais grâce à chacun de nous. Nous savons que tu vas qualifier chacun de son vase de ses œuvres. Le travail abattu, sa préparation, et d'être prêt, mais il y a aussi la grâce. Amen, amen, amen. Il nous a exhortés à espérer dans la grâce qui nous sera apportée lorsque Jésus-Christ reviendra. Nous ne voulons pas négliger cet aspect. Nous croyons toujours à cette grâce souveraine, elle qui nous a toujours soutenus, c'est elle qui nous conduira au ciel. Amen. Amen. Vrai. Cette même grâce qui nous a gardé dans les dangers, dans les peines et les pleurs. C'est la même grâce que nous croyons que nous connaissons au ciel. La grâce de l'enlèvement. La grâce de résurrection. La grâce de notre Jésus. La grâce merveilleuse. Qu'elle nous soit accordée chaque jour. Qu'elle soit multipliée aux croyants. Pour servir à tes pieds. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que Dieu vous bénisse richement.